said to you I was made. De quoi c'est fait? Tu t'en fous de quoi c'est fait? Salaire, salaire. J'adore, vous êtes gentil. Pas du tout, so cool. Par contre, on te voit pas, on te voit plus. T'étais là, mais on te voit plus. We'll be right back. Putain, va prouver scientifiquement qu'elle est une femme. C'est rigolo. En vrai, il y a des trucs qui sont dramatiques dans la politique d'aujourd'hui, et il y a des trucs qui sont rigolos tellement c'est, tu vois, ils sont montés des chiasses, les mecs. Tu vois. C'est quand l'agenda, c'est quand... deuxième qu'elle a vu en toi. Oh, c'est quand, c'est quand, c'est quand, c'est quoi l'agenda? C'est quand qu'elle a vu en toi le prochain homme d'état. C'est vrai que son ancien mari s'est suicidé, quelle triste histoire. Mais pourtant c'est vrai, c'est pourtant l'envie de rechercher la putain de vérité. Vérité, vérité, vas-y, vas-y, j'en mets, mets-moi là. Vas-y, vas-y, mon ami, fort bien comme ça. Tu verras, mon ami, c'est toi là que j'attirerai aussi. Président, tu verras, push, push. Serre les dents, coûte, coûte. Pas trop les gens, pas trop les gens. Serre bien les dents. Faut pas tout bouge, bouge, écoute. Coupe pas trop les gens, c'est bien mon ami. À 14 ans, et peut-être à 15, ça change tout évidemment. Il en a 42, 8. Oh, il est pourtant le plus dément, le plus intelligent. C'est ce qu'a dit voici. Voici aussi. Et bien c'est Cadivati aussi. Et bien c'est toute la presse qui le sait. Le prodige de la finance. Mm-hmm. You crazy people of all. Youths on bay from France. Albion, is that Albion really for real? And I'm almost blind for it. Of course not, this is Aiden. It is Aiden himself. So cool, and then hi-yo. Then show yourself, don't hide your, you know, open is the password, open será la contraseña, hombre, apúntate. We got notes, we got beach, of course. That's so cool, I mean it's so cool. Ayo. Each time I'm leveling up. Protection goes in. So I'll have to. Accept it. You won't be at your level max, cause I think Jamtabar is protecting. Now you're here. Aiden, my center, my credit center from Israel. Are you? You ain't. It ain't. Aiden is from USA now. We'll be right back. Thank you. didn't sing something for us. Enjoy YouTube channel or Twitch. This is about this new day. Woke up, walk on the ground, for the asses round. Found this new day on my way. Like thank to us, not thank to us, not thank to us. Love is complying. Nothing to us. Nothing to. Nothing to us. Nothing to us. No thank you. Come on, Aiden. I love it. Don't cross the border. No thank to us. Oh. No thank to us. Will I? No thank to. No thank to. No thank to us. We are so dumb, we're so dull. We don't want to move. Nothing to, nothing to us. Change everything. Nothing to, nothing to us. We're too dull, we can't say no thank you, no thank you, no thank you all of us. Too dull and police is too strong and no thank you, no thank you, no thank you us. We're too dull, even if the law is with us and no thank you. Nothing to us, we are too dull, even if the law is with us. Nothing to CP is so weak tool. Nothing to the wise man today. There's war, they don't even care of law anymore. Nothing to. Nothing to, nothing to us. We're too dull and we are too weak. Can't you see? All autocracy is their forces. War, the foresee. Nothing to us. Nothing to those everywhere around here. Nothing to. No more. much more tools. Learn to got much more. Stop seeking aliens. Stop seeking aliens. F. Stop seeking aliens. Aliens. Aliens. Aliens. You should stop seeking aliens. Tu peux même pas comprendre une vache, tu peux même pas comprendre. Stop seeking aliens, you can't even understand the cow. You can't even stop seeking aliens, for say what? You can't even reach a fish, you can't eat. A fish, they don't have no feelings, maybe. You know it's wrong. You can feel it's wrong, even. Même ma carotte 9-3, même ma carotte 9-3, c'est la 48e fois et demi qu'on me la met dans. Même ma carotte 9-3, putain, je suis jardinier pourtant. Même ma carotte 9-3, tu dirais, allez, en avant. J'ai mal au, toujours de faire toujours les mêmes et. J'ai mal au, toujours de fermer, toujours de fermer m'la. Pendant que je fais des efforts, c'est pourtant. La carotte, la 49-3, la démocratie. C'était il y a longtemps, tu vois. C'est pourtant la carotte 9-3. Faites des efforts et vous verrez. Putain, le marché, il va grave kiffer. Il va grave kiffer. Le marché, c'est quoi? Le marché, il va grave kiffer les trucs français, tu vois. Alors franchement, non mais, si tu t'appliques bien, le marché, il a grave envie d'un truc compliqué, cher, qui marche moins bien qu'un truc chinois. Voilà, grave. Accroche-toi à ça aujourd'hui pourtant. 49-3, putain, on est souverain. Tout le monde achète chez Temu. Personne n'en parle, même pas à la téloche. C'est une stratégie chinoise pour te niquer dans ton U. Tout le monde le fait. Tout le monde est complice. On n'en parle pas. Il y a des guerres, tu vois, qui sont sourdes. Il y a des guerres comme quoi. On sait qu'il y en a des Ouïghours. On n'en parle pas. Franchement, c'est quand même moins cher que. T'as vu chez tout le monde chez nous. On n'y va plus. Dans 3 ans, tout est fermé. Partout dans le monde, ils auront gagné le grand majeur de pute du petit peuple chinois. Y'aura plus de quoi chignoler, y'aura pas de quoi chialer non plus du petit peuple chinois. Y'aura plus de quoi chignoler. Ni de chialer non plus. Temu, t'as vu, tu sais. C'était moins cher que tous nos épiciers. Du coup, ils ont tous fermé en 3 ans. Temu, t'as vu, tu sais. C'était moins cher que tous nos épiciers. Ils ont tous fermé. T'as vu, en 3 ans. C'était leur plan affiché. Ils l'avaient même pas caché, Ils ont une petite roulette, tu sais, t'as un prix quand tu achètes. Quand tu sais que t'es acheté, y'a plus rien à acheter. Puisque tout le monde le fait acheter. Tous les autres t'arrachaient, tous les autres te raquettaient. Achetaient, ils achètent aux mêmes usines. Y'a plus rien qu'on fait, y'a plus rien qu'on sait. Nous en France on a des idées, on sait vendre des brevets. Ils ont dénié les padres, ils nous ont tous laissé maintenant crever. Ils veulent c'est continuer, c'est dur de pas se lasser. Maintenant qu'on a perdu, tu sais, c'est amer. Non, tu sais que tu vas nier. Amer, j'ai des idées, tu sais, amer. Non, tu sais que tu vas, tu sais, amer. Genre, on pouvait pas le prévoir, non, tu sais, c'est comme si on n'avait pas vendu Alstom aux États-Unis. Alors que les Chinois pouvaient répliquer toutes nos centrales unies et l'énergie nucléaire, elle est pas chère et l'énergie nucléaire, si tu veux, tu peux dire qu'elle est verte. L'énergie nucléaire sans les pays de l'Afrique, c'est mort. R, et tu sais quoi? L'énergie nucléaire sans les pays de l'Afrique, tu sais, c'est mort, mon frère.